Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire. Et je ne sais pas si vous êtes bien ordonné, mais les biologistes, comme d'autres scientifiques d'ailleurs, aiment bien classer les choses. Alors, ils ont classé les plantes et les animaux. Chez les animaux, par exemple, ils ont regroupé les mammifères, les poissons, les batraciens, chacun dans leur groupe. Et même chez les mammifères, ils ont groupé à part les singes, les rongeurs, les félins. Et même chez les singes, il y a ceux qui ont une queue, ceux qui n'ont pas de queue. Mais au fond, à quoi ça sert toute cette classification ? Et cette classification, est-ce qu'elle ne nous induit pas en erreur parfois ? Alors, on en parle avec Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonsoir Valérie. Alors, en fait, cette classification, c'est quand même pas tout à fait récent. Ça fait longtemps quand même que ceux qui observent, les naturalistes observent, qui observent la nature, regroupent les espèces, les plantes, les animaux, d'une façon ou d'une autre. Car Linné avait déjà, même lui-même, instauré un système de nomenclature. Moi, je pense que c'est un réflexe normal de l'humain devant la complexité des choses, particulièrement des organismes vivants, la grande biodiversité, un réflexe de vouloir mettre de l'ordre, de vouloir classer. Et effectivement, Linné, dans sa publication de 1778, invente ce qu'on appelle le système binomial, c'est-à-dire qu'on désigne chaque organisme vivant par un nom de genre et un nom d'espèce. Mm-hmm. Les espèces sont logées dans des genres, donc c'est comme une poupée russe là, qui sont emboîtées les unes dans les autres. Et ce système est encore utilisé aujourd'hui pour désigner les espèces. Et donc, si on prend nous comme un exemple, donc l'homme, son genre, son espèce. Homo sapiens. Voilà, donc homo sapiens. Homo, le genre, et sapiens, homo l'espèce. Homo et le genre, qu'on écrit avec un H majuscule, et sapiens avec un S minuscule. Donc, toutes les espèces sont désignées de cette façon-là. Mm-hmm. Et ça permet de les situer par rapport aux espèces qui leur ressemblent ou qui sont aux alentours. Mm-hmm. Donc, c'est le principe de nomenclature, donc pour donner un nom à ces espèces-là, mais finalement, sur quels critères les naturalistes à cette époque-là se basaient pour regrouper des espèces ensemble? Bien, jusqu'à tout récemment, on faisait ce qu'on peut appeler une sorte de classification éclectique, c'est-à-dire que parfois c'était la forme générale de l'organisme vivant. Chez les plantes, ça pouvait être le nombre de pétales, ou ça peut être toutes sortes de caractères, ça peut être la couleur, ça peut être parfois la taille même. Si on donne un exemple, par exemple, Linné lui-même, c'est lui qui a inventé le nom primate, mais pour lui, l'ordre des primates incluait les humains, tous les singes et les chauves-souris. Les chauves-souris avec. Alors, on se demande sur la base de quels critères il a vu une ressemblance qui justifiait de mettre les chauves-souris avec l'humain et les singes. Donc, c'est pour indiquer qu'au cours des âges, dans les deux derniers siècles, disons, les méthodes étaient un petit peu éclectiques. Ça dépendait de l'autorité ou de l'expérience de chacun des chercheurs de les regrouper d'une façon selon certains critères ou selon d'autres critères qui souvent étaient arbitraires. Donc, ça amenait beaucoup de discussions parmi les biologistes pour qui approuvaient ou qui désapprouvaient une certaine classification. Est-ce qu'on doit inclure tel groupe dans telle famille ou non? Voilà, donc il y avait beaucoup de discussions parce qu'on n'avait pas de critères parfaitement objectifs. Mais ce cas donc des chauves-souris avec les singes, c'est quand même un peu surprenant parce que j'aurais pensé que sinon les critères principaux c'était des ressemblances morphologiques. Donc ceux qui ont des ailes, on les met ensemble. Ouais. Ceux qui sont dans l'eau, on met les poissons. Oui, oui. Je ne sais pas, j'ai aucune idée sur la base de quels critères Linné a eu cette idée. Peut-être que le fait que les chauves-souris volent et les a assimilés aux anges ou des presque-anges, ou je n'ai aucune idée. Mais sinon, généralement, les critères, c'était quand même morphologique, ressemblances. C'est des critères morphologiques. C'est peut-être parce que j'essaie de trouver des raisons, peut-être que chez les chauves-souris, les mamelles sont sur la poitrine, donc il a peut-être vu une... C'est peut-être sur la base de ces critères-là. Alors, vous voyez, si c'est ça, lui, c'est sur la base de ces critères-là. Un autre biologiste aurait pu dire, mais le fait qu'elles sont volantes, c'est une raison suffisante pour les exclure des primates. Donc, il y avait toujours, dans la plupart des cas, des éléments arbitraires. Donc, la forme générale ou un caractère en particulier, mais il n'y avait pas de règles bien établies de choix des caractères pour regrouper les espèces. Ouais. Et donc, suivant ces critères un petit peu flous, on va dire, les dauphins avaient été mis avec les poissons? Oui, depuis toujours, depuis Aristote, qui était un excellent naturaliste, il y a 2500 ans ou à peu près, on considérait les dauphins comme des poissons parce qu'on les connaissait relativement peu. Les dauphins ont à peu près la même forme qu'un requin ou que certains autres poissons. Ils vivent dans l'eau en permanence et donc on les assimilait aux poissons. Mm-hmm. Et c'est une sorte de vision qui n'est pas complètement disparue aujourd'hui parce que parfois, quand on parle de la chasse aux baleines, on n'est pas sûr si on devrait dire de la chasse ou de la pêche aux baleines. C'est vrai, hein, parce qu'on chasse des mammifères, on pêche des poissons. Ouais. Alors, on devrait peut-être chasser les baleines. Alors, il y a comme un relent là, de cette période-là où on faisait cette confusion-là. Évidemment, ça fait des centaines d'années qu'on a réalisé que les dauphins étaient des mammifères. Mm-hmm. Pourquoi on les met dans les mammifères, malgré le fait qu'ils ressemblent à un poisson et vivent dans l'eau en permanence? Parce qu'ils ont des mamelles, ils ont des poumons pour respirer, ils ont trois osselets dans l'oreille moyenne, etc. Toute une série de critères qui nous donnent de bonnes raisons de les mettre avec les autres mammifères, même si... Pour la morphologie générale, il ne ressemble pas du tout à un lion, par exemple. Mm-hmm. Donc, on classe un petit peu les espèces. Là, on parle des animaux, mais chez les plantes, il se passe la même chose. C'est le même problème, même situation. C'est ça. Et puis, c'est selon donc, des caractères que les espèces portent. Et pourtant, au tout début, quand on regarde les animaux, il y a comme deux grandes catégories, il y a les vertébrés, les invertébrés, oui. Ceux qui ont et ceux qui n'ont pas de vertèbres. Oui, alors ça, c'est un cas classique. C'est Lamarck, en 1809, qui était un spécialiste des invertébrés, qui a fait cette distinction-là. Mais cette désignation de ce groupe, c'est pas un groupe naturel du tout, les invertébrés, parce que ça regroupe des animaux qui, par exemple, les papillons avec les vers de terre, avec les huîtres et les moules, on voit qu'il n'y a pas vraiment de... Mm-hmm. Il n'y a rien en commun, il n'y a pas de caractère commun qui permet de les regrouper, sauf l'absence d'un caractère. Mais regrouper des animaux ou des organismes sur la base de l'absence d'un caractère, c'est un peu absurde parce que la liste des caractères qu'on n'a pas est infinie. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si on définissait l'humain comme un vertébré qui n'a pas de plume. Oui. Ça dit rien sur l'animal lui-même, ça dit rien sur ses relations avec les autres. Mm-hmm. Mais je pense que ça vient du fait qu'à l'époque, on reconnaissait beaucoup mieux les vertébrés, entre autres parce que nous sommes un vertébré. Les animaux familiers sont des vertébrés, les animaux domestiques pour la plupart. Et comme on connaissait mal les invertébrés, c'était un groupe fourre-tout, comme on dit. On mettait tous les animaux qu'on connaissait moins bien, les vers de terre, les moules, les huîtres, les papillons, les insectes, etc. Et on disait, ben voilà, ce qui les distingue de nous, c'est l'absence de vertèbres. Mm-hmm. Mais on voit que dans la classification moderne, ce groupe, ces invertébrés sont disparus parce que ce n'est pas un groupe naturel, dans le sens que ce n'est pas un groupe produit par l'évolution, c'est nous qui les avons regroupés d'une façon plus ou moins arbitraire. Mm-hmm. Par méconnaissance, peut-être. Par méconnaissance, je pense, en partie. Mm-hmm. Donc, y a donc ce système de classification un petit peu arbitraire qui a quand même perduré, je pense, dans le grand public. Oui, puis parmi les scientifiques, qui a rendu des grands services aussi. Exact. Et pourtant, donc il n'est pas parfait, ce système de classification. Et pourtant, déjà, à la même époque, il y avait quelqu'un d'autre qui avait déjà pensé à un autre système de classification basée sur d'autres critères. Oui, c'est-à-dire qu'un petit peu après Lamarck, disons 50 ans après Lamarck, Darwin arrive et il nous dit... Darwin formule sa théorie de l'évolution. C'est différent de la théorie de la sélection naturelle, mais sa théorie de l'évolution disait deux choses, entre autres. Disait toutes les espèces ont des ancêtres. C'est comme ça qu'on explique l'origine des espèces. Donc, c'est ce qu'il lui appelait la descendance avec modification. Et toutes les espèces sont parentes à des degrés divers. Donc, c'est ce qu'il appelait la filiation commune. Sur la base de ces deux affirmations de Darwin en 1859, il nous dit « Il devrait y exister une classification des organismes vivants, une classification naturelle, c'est-à-dire une classification qui raconte l'histoire évolutive. Et cette classification devrait être généalogique, puisque l'évolution, c'est la descendance avec modification et que ce processus se produit de la parenté. En classant les espèces par parenté, on devrait pouvoir reconstituer l'histoire évolutive. Mmh. Ce serait une classification naturelle, donc qui ne serait pas fondée sur des critères arbitraires, sur la préférence de certains auteurs ou sur des critères qui varient d'un groupement à l'autre. Mmh. Mais c'était quand même assez audacieux quand même de proposer cette... une des idées géniales de Darwin, de dire, ben voilà, ce qui découle de ma théorie de l'évolution, donc la descendance avec modification et de la filiation commune, c'est le fait que la classification naturelle, les critères naturels, c'est des critères de parenté pour regrouper les animaux. Mmh. Plus ou moins parents, selon la distribution de certains caractères anatomiques ou physiologiques ou même comportementaux, on constate. Ah oui. Mais pourtant, donc, Darwin a proposé cette façon de classer les espèces, mais ça n'a pas été accepté tout de suite. Non, son souhait n'a pas été réalisé avant les années 60, 100 ans après Darwin, dans les années 1960. Je pense qu'il y a eu une très grande résistance parce que la nouvelle classification qu'on proposait contredisait plusieurs des classifications anciennes. Mm-hmm. Et cette nouvelle façon de classifier qu'on appelle la cladistique, donc la création de clades monophylétiques. Un clade monophylétique, c'est simplement un groupe constitué d'un ancêtre et de tous ses descendants. Mm-hmm. Ça contredisait plusieurs des anciennes classifications. Et on doit cette nouvelle idée à un entomologiste en 1950, un entomologiste allemand, Willy Hennig, qui publie en 1950 en allemand une méthodologie pour satisfaire le souhait de Darwin d'avoir des classifications généalogiques. Mais son livre a été relativement peu connu au moment de sa publication en allemand en 1950. Mais au moment de la traduction en anglais en 1966, là, c'est devenu une véritable traînée de poudre. C'est devenu une révolution. Ah oui. Tout le monde a dit, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut classer. Voici une façon objective, scientifique de classer des espèces selon les souhaits de la théorie d'évolution. Donc, si on adhère à la théorie d'évolution, c'est comme ça qu'on devrait les classer. Mais quand même, on est en 1966. Ça fait longtemps que Darwin a écrit sa vision de la classification. Oui, mais ça nous a pris... Ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant de la comprendre, avant d'en comprendre la signification, l'importance, et puis avant de trouver une méthodologie qui permet de l'appliquer. Oui, oui. Et aujourd'hui, donc, en fait, Cyril, vous avez vu un petit peu cette évolution, j'imagine, et est-ce qu'elle est acceptée aujourd'hui, cette classification fondée sur l'évolution des espèces? Aujourd'hui, oui. Oui. Mais je peux vous dire que dans les années 1980, 90, là où cette méthodologie commençait à être appliquée ouvertement et décrite dans la littérature, la grande majorité des systématiciens, des biologistes, ont résisté. Parce qu'encore une fois, on la comprenait mal et ça contredisait plusieurs des classifications anciennes. Donc, par exemple, un des premiers exemples de l'application formelle de cette méthode-là, c'est au British Museum, où on a refait toute l'exposition de sciences naturelles au British Museum, fondée sur la cladistique, et ça a soulevé un tollé de protestations de la grande majorité des biologistes, même un biologiste comme Ernest Mayr, qui est un des auteurs majeurs de la théorie synthétique d'évolution au 20e siècle, ça lui a pris du temps avant de comprendre. Qu'est-ce qui choquait dans cette nouvelle? Finalement, il s'était mis devant une situation qui les dérangeait. Qu'est-ce qui les choquait? Ben, ce qui dérangeait, c'était que jusque-là, on se fondait, on classait les animaux ou les plantes qui se ressemblaient. Donc, des ressemblances globales, des ressemblances sur l'anatomie générale ou sur certains critères, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui étaient plus ou moins arbitraires. Alors que la nouvelle méthodologie nous dit, puisqu'on veut faire une classification généalogique, il faut regrouper ensemble des espèces qui partagent des caractères dérivés qui leur sont propres, des caractères relativement récents, apparus relativement récemment, qui sont communs et exclusifs, donc qui sont partagés par tous les individus, toutes les espèces qu'on regrouperait, et exclusifs à ces espèces-là et qu'on ne trouverait pas ailleurs. Mm-hmm. Par exemple, on met ensemble tous les mammifères parce qu'ils ont des poils et des mamelles et trois osselets dans l'oreille moyenne, et on exclut des mammifères toutes les autres espèces parce qu'elles ne possèdent pas ces caractères. Donc, des caractères dérivés, communs et exclusifs. Mm-hmm. Et ça paraît simple de le dire de cette façon-là, mais quand on vient pour chercher vraiment des caractères qu'on doit utiliser, qu'on a le droit d'utiliser, ça devient beaucoup plus compliqué. On recherche ce qu'on appelle des caractères homologues. Mm-hmm. Caractère homologue, ça veut dire un caractère qui est hérité d'un même ancêtre commun par rapport à un caractère analogue. Par exemple, les oiseaux ont des ailes, ils ont hérité des ailes d'un même ancêtre commun, mais c'est un ancêtre différent qui a donné des ailes aux papillons, qui a donné aux chauves-souris. Mm-hmm. Donc, c'est des ailes aussi, mais le fait d'avoir des ailes, dans le passé, on aurait dit le fait d'avoir des ailes, c'est une raison suffisante pour les mettre ensemble. Maintenant, on dit non, c'est pas une raison suffisante parce que on constate que c'est des ancêtres différents qui ont donné des ailes aux chauves-souris par rapport aux ancêtres qui ont donné des ailes aux oiseaux. Mmh. Et donc, en fait, ça a dû bousculer un petit peu l'image, la classification traditionnelle qu'on avait. Il y a eu des espèces qui ont changé de groupe. Il y a des espèces qui ont changé de groupe. Il y a des grands groupes qui sont disparus. Alors, par exemple, les reptiles sont disparus. Les reptiles sont disparus dans la classification moderne parce que il y a certains reptiles, appelons-les reptiles entre guillemets, là, vous voyez les guillemets que je mets maintenant, il y a certains reptiles qu'on classe dans avec les autres reptiles, qu'on va classer avec les tortues, les serpents, les lézards, les crocodiliens, etc. Puis on constate qu'en fait, il y a des reptiles là-dedans qui sont pas à l'aise là-dedans, qui possèdent un certain nombre de caractères qui devraient les mettre avec d'autres animaux. Alors, par exemple, l'exemple classique dans les reptiles, c'est les crocodiliens. Tous les crocodiles sont beaucoup plus proches parents des oiseaux mm-hmm. que des autres reptiles. Qu'est-ce qu'ils partagent comme caractère commun avec les oiseaux? Par exemple, ils n'ont pas de plumes? Ils n'ont pas de plumes. Alors, les plumes sont un caractère qui serait trompeur dans ce cas-là. Mm-hmm. Les crocodiles ont un gésier. Ils ont une mâchoire qui a une forme très particulière qu'on retrouve aussi chez les oiseaux. Et quel autre caractère important? Ah, ils ont un cœur qui est fait de quatre chambres comme les oiseaux et les mammifères, alors que les autres reptiles n'ont pas ça. On pourrait penser que le crocodile, c'est simplement un lézard, mais en plus grand. Mais en fait, le crocodile est beaucoup plus proche parent des oiseaux. Alors, oiseau qui est resté au sol et qui n'a pas mis ses plumes. Voilà. Mais alors, pour conclure ça, si on insiste pour garder le mot reptile pour désigner ces animaux-là, il va falloir inclure les oiseaux. Et dire, ben voilà, les oiseaux, c'est des reptiles à plumes. Ah. Et ça, c'est pas trop fou non plus parce qu'on constate maintenant qu'un grand nombre d'espèces de dinosaures qui sont reconnus comme des reptiles à tout point de vue portaient des plumes. Donc, autrement dit, le groupe naturel, c'est un groupe formé. C'est ce qu'on appelle on regroupe ensemble les crocodiles et les oiseaux dans un groupe qu'on appelle les archosaures, sur la base de certains caractères communs et exclusifs, donc qui ne sont pas possédés par les autres reptiles. Alors que les plus proches parents des lézards, ce ne sont pas les crocodiles, mais ce sont les serpents. Et là aussi, la forme extérieure ne nous dirait pas que ce sont... Mais si vous pensez à la langue fourchue, par exemple, c'est un caractère diagnostique de ce groupe-là, les lépidosaures, comme on les appelle. Donc, il faut choisir des caractères homologues, des caractères qui sont hérités d'un ancêtre commun. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, on classe maintenant donc les espèces selon leur ancêtre commun. Et là, la question difficile à la radio, ça va être difficile. Ça ressemble à quoi, finalement, une fois qu'on a classé ça? Parce qu'on a un petit peu en tête les classifications avec les mammifères, les oiseaux, etc. Ça fait comme des bulles, et puis on met les mammifères là-dedans, les oiseaux dans la bulle des oiseaux. Donc maintenant, avec la cladistique, cette façon de classer selon l'évolution, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un arbre. Et l'arbre le plus simple qu'on peut imaginer pour décrire ça, pour dessiner ça, c'est comme un Y. Donc, il y a un tronc qui se termine, si on monte vers le haut, qui se termine par un nœud ou un point de bifurcation et deux branches. Mm-hmm. Et les espèces sont à l'extrémité des branches. Et la bifurcation, ça identifie le dernier ancêtre commun partagé par ces deux espèces. Mm-hmm. Alors, par exemple, dans mon Y très simple, on pourrait avoir d'un côté l'espèce humaine et de l'autre côté le chimpanzé, avec au point de bifurcation le dernier ancêtre commun qu'on a partagé avec les chimpanzés il y a à peu près 6 millions d'années. Ça, c'est on ne peut pas imaginer un graphique plus simple que celui-là. Mais si on veut maintenant regrouper selon la parenté relative 6 ou 7 espèces, il suffit de prendre ce même grand Y que je viens de dessiner et sur chacune des deux branches, on plante des petits Y qui représentent d'autres espèces qui sont apparentées. Alors, du côté de la branche qui mène vers l'humain, dans mon petit dessin du départ, bien, on aurait les Australopithèques, les Homo erectus, l'homme de Néandertal, etc., qui seraient des branches qui créeraient d'autres Y emboîtés dans les Y plus grands. Mm-hmm. Donc, ça, je ne sais pas si mon dessin est explicite à la radio, mais ça permet de regrouper les animaux ou les espèces en fonction de la parenté relative. Mm-hmm. Mais on n'a pas toujours cet ancêtre commun, parce que l'ancêtre commun entre le chimpanzé et l'humain... On n'a jamais l'ancêtre. On ne connaît pas les ancêtres. Voilà. Il faut faire notre deuil des ancêtres. Nous ne connaîtrons jamais les ancêtres lointains. Pour connaître les ancêtres, il faudrait posséder leur ADN, parce que si on pense à un arbre généalogique, c'est la différence entre un arbre généalogique et un arbre de parenté, un arbre phylogénétique. Dans le cas de l'arbre généalogique, on connaît les ancêtres. Mais dans le cas d'un arbre généalogique de nous, par exemple, de notre famille, on a plusieurs sources d'informations pour connaître les ancêtres. La tradition orale qui nous dit que lui, c'est un grand-père, lui, c'est un oncle. On a aussi les registres des naissances, puis on a des tests génétiques. Mais pour les autres espèces, on n'a aucune de ces informations-là, sauf qu'on peut faire des tests génétiques, mais pour le passé récent, pas plus que 100 000 ans. Pour les espèces complètement disparues, comme les dinosaures, par exemple, ou qui sont connues seulement à l'état fossile, on n'aura jamais, avec assurance, l'identité des ancêtres. Mais on n'a pas besoin des ancêtres pour tracer ce cladogramme. C'est ça la beauté de la chose. Parce que depuis la théorie de Darwin, on est sûr que ces ancêtres ont existé, puisqu'il nous dit que toutes les espèces ont des ancêtres. Et on est sûr qu'ils ont existé dans l'ordre qu'on dessine dans le cladogramme, une fois qu'on l'a établi. Alors, par exemple, dans l'arbre qui nous décrirait, nous, les chimpanzés et les gorilles, on voit que le dernier ancêtre qu'on a partagé avec les chimpanzés vivait il y a 6 millions d'années. Le dernier que nous avons partagé avec les gorilles vivait il y a 8 millions d'années. Donc, on voit là comme un Y, là, ou un nœud, ou un point de bifurcation qui est de plus en plus profond mesure qu'on trace l'histoire. Donc, la séquence des nœuds ou des points de bifurcation, ça décrit la séquence des événements évolutifs. Donc, ça décrit l'évolution. Ah oui. Donc là, si je reprends, là, donc on a cette branche quelque part avec un ancêtre commun assez lointain du gorille, chimpanzé humain, en tout cas assez loin. Ça se sépare en deux, ça va vers le gorille, il y a 8 millions d'années. Oui. Puis une autre branche qui va vers ce qui va devenir les chimpanzés et l'humain. Et l'humain. Et ensuite, donc... Mais là, il y a quelque chose à dire d'important sur ce petit dessin qui nous est révélé par justement les classifications modernes. Ce que ça veut dire, le petit dessin que tu viens de faire, c'est que le chimpanzé est plus proche parent de nous que du gorille. Voilà, c'est ça. Le chimpanzé, c'est l'espèce sœur de l'humain, alors que le gorille, c'est un cousin plus lointain. Ouais. Et ça, sur la base de l'anatomie ou de la forme générale, on n'aurait jamais... conclu de cette façon. Pas vraiment. Parce que le pelage est le même, la dentition est la même, la façon de marcher est la même, plusieurs caractères qui sont les mêmes, qui nous, depuis toujours, nous ont fait mettre le gorille et le chimpanzé proches parents, avec l'humain sur sa branche tout seul, alors que les analyses génétiques récentes nous disent le contraire. C'est évident maintenant, le chimpanzé est plus proche parent de l'humain que du gorille. Mm-hmm. Est-ce que je comprends finalement que cette classification nous permet, si on remonte les branches, les points, ça permet de relire l'évolution finalement. Oui, oui. Est-ce que ça nous a réservé d'autres surprises, outre l'élimination des reptiles, de la classe des reptiles? Ben, les poissons, de la même façon, sont disparus parce qu'il y a des espèces de poissons. Par exemple, la truite et la morue, ces espèces de poissons sont plus proches parentes de nous que des requins. Donc, il y a des poissons osseux, comme la truite et la morue, il y a des poissons cartilagineux. Mais les poissons osseux sont de notre famille à nous, sont plus proches des humains que des requins. Donc, alors, c'est la raison pour laquelle on a éliminé le groupe des poissons, parce qu'on se rend compte que l'ensemble des poissons ne forment pas, comme je disais tout à l'heure, un clade monophylétique, c'est-à-dire un ancêtre avec tous ses descendants. Pour inclure tout ce qu'on appelle les poissons, il faut un ancêtre des requins, puis il faut un ancêtre des truites et des morues, puis il faut un ancêtre d'un autre groupe de poissons qui possèdent des poumons qui sont beaucoup plus proches de nous que de la truite. Mm. Alors, vous voyez, le mot poisson, finalement... Le mot poisson, oui... À la poissonnerie, il n'y a pas de problème. Au restaurant, il n'y a pas de problème. On continue à parler de poissons. Mais en termes de biologie évolutive, le groupe des poissons n'est pas un groupe naturel. C'est nous qui avons remis ensemble un certain nombre d'espèces sur la base de la ressemblance générale, la possession de branchies, etc. Mm. Et les baleines, dans tout ça, on les met où? Bien, il y a un cas intéressant avec les baleines, parce qu'on pourrait penser que les mammifères qui seraient les plus proches parents des baleines seraient d'autres mammifères marins, mais en fait, ce sont les ongulés artiodactyles, c'est-à-dire les ongulés avec un nombre pair de sabots, comme les cerfs, les antilopes, les girafes. Et on le savait déjà sur la base d'un caractère anatomique. Sur la base d'un caractère anatomique, c'est un os de la cheville qu'on appelle l'astragale. Quand on retrouve des fossiles de baleines qui avaient encore des pattes postérieure, on voit que dans la cheville, il y avait un os qui a la même forme que un astragale, qui a la même forme que ce qu'on trouve chez les ongulés. Donc, on fait maintenant un regroupement sur cette base-là, la base de ce petit os qui a l'air insignifiant. Oui. On regroupe les baleines avec les ongulés plutôt qu'avec les autres mammifères marins. Puis les analyses génétiques le confirment d'une façon absolument indubitable. Les plus proches parents des baleines parmi les mammifères, ce sont les ongulés et non pas les autres mammifères marins. Mm. Alors ça nous propose une relecture complète de tout, finalement, le monde animal. Bien, une relecture de la parenté relative des espèces. Ça permet, dans le fond, cette cladistique, ce qu'elle permet de faire, c'est de dessiner l'arbre évolutif de la vie. Mm. Donc, ça permet d'étudier l'évolution par la parenté. Mm. Et on fait notre deuil de l'identification des ancêtres, mais on n'en a pas besoin. Mm. On sait qu'ils ont existé et dans l'ordre qu'on trouve dans l'arbre qu'on a dessiné. Mmh. Bien, je dirais, pour conclure, que la prochaine fois qu'on verra un chimpanzé, il faudra le regarder peut-être non pas comme un cousin de l'homme, mais comme un frère, un demi-frère. Voilà, c'est exactement sa position dans l'arbre. Ouais. Ben, merci beaucoup, Cyril. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Alors, nous étions en compagnie de Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval.